marqué. Ok, m'attendez-vous? Les deux. Si on regarde l'homme dans sa généralité, puis qu'on regarde, c'est quoi le problème fondamental de l'être humain sur la Terre, sur le plan matériel? Mais si on le regarde d'un point de vue occulte, autrement dit, ce qu'ils nous disent de l'homme au lieu de nous autres, ce qu'on pense. Regardez ce qu'ils disent. Vous m'entendez, oui, comme ça? Ils disent que l'homme a beaucoup de difficultés à nous recevoir clairement. Il dit, dans sa pensée, il ne reçoit qu'une petite partie de notre information. Fait que c'est comme si, si on prend la pensée de l'homme sur une base de 100%, l'homme peut-être reçoit 0,5% des autres, le reste c'est tout du blablabla. C'est toute la réflexion. Fait que ça, c'est très grave. C'est ça que les autres appellent l'involution, en contradistinction avec l'évolution. Et c'est très grave pour un certain nombre de raisons. Du point de vue universel. Premièrement, ils disent que ça empêche l'homme d'évoluer. Puis quand ils disent que ça empêche l'homme d'évoluer, pour eux autres, évoluer, ça veut dire faire la connexion avec eux autres. Évoluer, pour eux autres, ça veut dire en arriver à faire la connexion avec eux autres. Puis évoluer, ça veut dire en arriver à ne plus souffrir psychologiquement. Puis dans ce processus-là, il faut que l'homme en arrive à pouvoir supporter les changements électriques de son système nerveux. Parce que la vibration, quand elle descend, puis que les centres s'ouvrent, puis que l'homme prend conscience du plan mental, le fait qu'il y ait un déplacement au niveau de l'ego, ça crée une accélération vers le bas qui est très, très intense, et l'homme développe un système nerveux très aiguisé. Autrement dit, il est moins calme, il est plus électrifié qu'il l'était avant. Puis l'homme a la difficulté avec ça parce que... Ils disent que quand il est électrifié, là, que son système nerveux est électrifié, là, ils disent qu'il a tendance à paniquer avec ça. On panique. Fait que quand on vit des événements qui nous agressent, au lieu de les vivre intelligemment, on panique. Et la panique, de leur point de vue, c'est une incapacité pour l'homme de faire une bonne gestion de son énergie. Fait que je vais en parler de ça un petit peu, ce qu'on appelle la panique. C'est quoi la panique? Ils disent que la panique, dans son caractère fondamental, occulte, c'est le doute. De la panique, c'est du doute. Fait que l'homme pourra vivre n'importe quoi, n'importe quelle expérience, à n'importe quel niveau. S'il n'y avait pas de doute, il n'y aurait pas de panique. Donc, c'est très important de comprendre que dans l'ontologie de la panique, il y a le doute. Puis le doute, puis la panique, ce sont deux aspects fondamentaux de sa caractéristique humaine qui fait en sorte que quand il est sous pression à cause des événements de la vie, il y a beaucoup de difficultés à mettre de l'ordre dans le désordre. Quand il est rationnel, tout va bien, c'est facile de mettre de l'ordre dans le désordre. Mais l'homme conscient devrait être capable d'avoir de l'ordre dans le désordre. de vivre ordonnément dans le désordre, puis on n'est pas capable de faire ça. Quand il y a du désordre, l'ego veut forcer la note, puis mettre son type d'ordre dedans. On n'est pas capable de vivre ordonnément dans le désordre. On n'est pas capable de vivre rationnellement l'irrationnel. Quand on vient compter avec l'irrationnel, on capote. Fait qu'on passe notre vie à essayer de vivre rationnellement à l'intérieur du rationnel, puis ça peut durer, ça peut marcher quelque temps, ça peut marcher des fois, mais ça peut pas marcher tout le temps parce qu'il y a toujours des forces de vie qui vont passer à travers, puis qui vont désorganiser le rationnel de l'âme, parce que les forces de vie veulent que l'homme sache que techniquement, il est cosmique et non pas simplement matériau planétaire. L'homme ne sera jamais un robot. La vie humaine ne sera jamais, même dans une société très avancée technologiquement, la vie humaine ne sera jamais mécanique. Ils vont toujours s'opposer à ça, parce que la vie, c'est de l'esprit en mouvement. La vie, c'est de l'esprit en mouvement. Ça veut dire que l'esprit, ce qu'on appelle les forces de lumière, passe à travers des couches de conscience, qu'on appelle le mental réfléchi de l'homme, ou l'astral de l'homme, puis ça descend jusqu'à la matière, et ça affecte son système nerveux. Il y a des gens qui ont des crises de système nerveux parce qu'ils ont des problèmes ici, qu'ils ont des problèmes là, puis un jour, ça casse les stress, ce que vous appelez des stress. Les stress, c'est le stress. C'est une incapacité de faire la gestion électrique de son énergie parce qu'on a fondamentalement une souffrance, on vit dans le fond du doute. Si vous faites une analyse du stress au début, vous allez voir que quelque part, il y a du doute. Là, vous allez dire, ah oui, mais c'est pas parce que je doute que j'ai du stress. Je stresse parce que mon boss, il me met trop de travail sur le dos. Mais je vais dire, ben pourquoi si tu dis pas à ton boss de te donner, de t'en mettre moins de travail sur le dos? Vous allez me dire, ben là, je vais perdre ma job. Puis moi, je vais vous dire, ben, t'as-tu peur d'en avoir un autre job? T'as-tu peur que tu n'auras pas un autre job? Puis vous allez voir qu'au bout de votre stress, c'est le doute de ne pas avoir un autre job. Fait que vous supportez le stress de votre boss parce que vous avez le doute de pouvoir vous en trouver un job pareil. Ça revient au doute. Ça revient toujours au doute. Sans ça, tu diras, mange dans la merde, tu te vas naître. Up your ass! Demain matin, buongiorno! Tu vas par en dedans, tu dis, quand est-ce que je vais en avoir un autre? 2 semaines? Pas de problème. Je m'en vais en vacances pour 2 semaines, puis 2 semaines, mais non. Fait que t'as pas de stress. T'es content quand tu perds un job? 2 semaines de vacances. Mais on vit pas ça de même. Là, le doute, la famille, les supports, tout. Il dit, quand vous êtes inconscient, il dit, vous n'avez pas l'opportunité de savoir que vous êtes inconscient. Vous pensez que vous êtes conscient. Puis il dit, ça, c'est grave, parce qu'il dit, vous ne voyez pas nos gains. Il dit, si vous ne voyez pas nos gains, il dit, c'est comme si vous êtes dans un état de rêve éveillé. On peut vous passer n'importe quoi. Il dit, parce que vous êtes totalement manipulable. C'est ça l'évolution, l'inconscience, puis toute la bullshit qu'on vit là, depuis qu'on est, depuis l'Australopithecine. C'est très grave. Fait qu'on cherche la compensation, c'est quoi? Le sexe, tomber en amour, la drogue, whatever it is. On cherche toujours la compensation. Il dit, vous ne pouvez pas penser que vous êtes intelligent puisque vous n'êtes même pas conscient de nous autres. Ça, c'est tough pour les gars, de savoir ça. Il dit, vous pouvez même pas vous penser, prétendre que vous pouvez être intelligent tout seul, il faut qu'au moins vous testiez avec un autre. Essaye d'être intelligent tout seul, tu vas en faire des gars. Il dit, être intelligent tout seul, c'est impossible. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a toujours des manières d'être qui sont plus perfectionnées que d'autres. Tu peux pas être intelligent seul. Fait que si t'es humain, il faut que tu puisses communiquer avec un autre, ta femme, ton chum, whatever. Puis si t'es conscient, il faut que tu puisses communiquer avec eux autres. Là, tu peux être intelligent à deux. Jamais tout seul. Il dit, si vous habituez à être intelligent à deux, avec votre femme, avec vos chums, ou en vertical avec nous autres, il dit, vous n'auriez pas de problème avec l'intelligence, puis ça sera facile. Mais il dit, vous travaillez tout seul. Vous travaillez tout seul. Puis ça, c'est la source des conflits. T'es en relation avec ta femme ou ta blonde. Puis il y a des conflits dans nos relations humaines. Pourquoi est-ce que des relations, il y a des conflits entre le mâle et la femelle dans le couple? Parce que le mâle, il veut être intelligent tout seul. Ce qui équivaut à vous autres à avoir raison. À brûler ma soupe, la collier, est-ce qu'elle mange la merde? C'est pas le même que ça marche. C'est eux autres qui ont fait brûler la soupe. Ils ont coupé la mémoire. Tabarnak! Puis toi, tu y donnes la marde parce qu'eux autres, ils ont coupé le circuit. C'est pas intelligent. Mais si elle brûle la soupe, puis tu dis à eux autres, qu'est-ce qui se passe avec ma crise de soupe? Ils vont dire, on y a coupé la mémoire, prends ça coup. Là, tu vas arrêter de donner de la marde à ta femme, tu vas donner de la marde à eux autres. Puis pareil. T'es plus pareil. Mais il faut être bien conscient, ça, pour savoir qu'eux autres, ils ont coupé la mémoire et qu'ils se brûler la soupe. Bien conscient. Ça a l'air de rien, ça. Mais c'est du stock, ça. Il faut être bien conscient quand ta femme a brûlé la soupe. D'avoir conscience que c'est ces hosties-là qui ont fait brûler la soupe. Pour ne pas lui donner de marde à elle. Bien conscient. Asseyez-le un jour, vous allez voir que c'est un tour de force. Que ça. Parce qu'on aime ça donner de la femme, de la mère à notre femme quand elle brûle à ça. Puis vice-versa. Quand tu arrives à la maison et que tu as perdu ton crise de chèque de paye. Maudit sans dessin. T'es un maudit sans dessin. Si la femme était consciente, après aller parler, comment ça fait qu'il a perdu son chèque de paye? Il dirait, on lui a fait perdre. Là, après dire, pourquoi tu as fait perdre le chèque de paye? On a besoin de l'argent. Puis il dirait, pour t'apprendre à ne pas t'inquiéter. Fait qu'il travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que qui c'est qui prend marre, c'est nous autres. Le gars, la femme. Fait que montre-toi pas pourquoi est-ce qu'on divorce pour on se fait sauter. C'est normal. Quelqu'un qui me dirait, moi je me divorce pas, je dirais, c'est pas normal. C'est normal de se divorcer. C'est normal d'avoir des problèmes, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas gain. Moi, là, facile, je vais au tableau, ça écrit tout seul. Mais ça écrit pas, sais-tu que je suis fucké en crise? Je vais pas dire que je suis pas intelligent. Il m'a dit, grouillez-vous le cul, écrivez. Parce que c'est eux autres qui me coupent. Mais si je suis dans mon égo, puis je vais au tableau, puis qu'ils me coupent, sais-tu que m'en avoir des crises de complexe? Fait que quand tu as réglé ça, le problème de verticalité dans ta vie, tu as réglé le problème de ta vie. Seulement, c'est pas facile. Pourquoi? Pour trois raisons. Il dit parce que vous êtes jamais sûr si on a raison de la façon qu'on vous manipule. On n'est jamais sûr si on a raison de nous faire perdre notre chèque ou de nous faire brûler notre crise de soupe. Fait que pour savoir s'ils ont raison, demande-leur, Christ. Tu dis, pourquoi c'était perdu le chèque? Pourquoi c'était fait brûler ma maison? Pourquoi est-ce que mon fils est mort d'un accident de truck? Pourquoi est-ce que ma femme m'a laissé? Ils vont te dire, pourquoi ta femme t'a laissé? Ils vont te dire, parce que t'étais pas intelligent. Si t'avais été intelligent, t'aurais pas laissé. Mais on n'est pas sûr s'ils ont raison dans leur action. Puis ils disent que ça, c'est le grand problème de la conscience de l'homme. Puis un jour, on va être sûr. Moi, quand je vis des affaires dans ma vie qui font pas mon affaire, il y en a bien des affaires qui font pas mon affaire. J'ai perdu 250 000 piastres, moi, il y a quelques temps, là, l'an passé, je parlais pas de ça. J'ai dit, c'est quoi ça, tabarnak, par 250 000 piastres, pas deux piastres et demi, c'est là. En dedans d'un mois, sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils ont dit, tu parles au monde, de ne pas être attaché à rien. Pas avoir peur de perdre. Bon, tu l'as fait perdre, check-les, on check pour voir si ça marche. Ils m'ont fermé ma gueule. J'ai dit, je vais-tu le refaire? Ils ont dit, t'es créatif. Cinq, ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, ils ont dit, tu es créatif. Mais tu perds 250 000 piastres de même, là, pis t'es dans ton égo, là. Tu te jettes un gun. Tu comprends, Vélie? Il nous teste tout le temps. Tout le temps. Hey, écoute bien ça, écoute bien ça. Il dit, si c'était pas de même, il n'y aurait même pas de raison que vous soyez incarné dans la matière. Pourquoi est-ce que vous êtes incarné dans la matière? La Terre, la conscience de la Terre, c'est une conscience expérimentale. Il n'y aura aucune raison pour l'homme de venir ici. C'est bien plus beau l'autre bord qu'ici. C'est le fun, ici. C'est beau l'autre bord, mais ici, c'est le fun. Pas pareil. L'autre bord, c'est beau. Des beaux mondes. Tu vois ces plants, les arbres sont en cristal, ça pousse seul, c'est des printemps éternels. Il n'y a pas d'humidité, là, Christ. Il n'y a pas de maringouin. Mais ici, c'est le fun. Il dit, où l'âme s'amuse, l'esprit se diffuse. Où l'âme s'amuse, l'esprit se diffuse. C'est vrai. Ces autres plans, tu t'amuses pas, ça n'existe pas, ça s'amuser. Ça fait partie de la matière. Le sexe, la drogue, le coke, Coca-Cola. Fait que s'il n'y avait pas de manipulation, on ne serait pas ici. La Terre, c'est une école. Bien, bien loin. Ta voix lactée ici, on est juste sur le bord, nous autres, Chris. Bien, un petit peu plus, là, s'il n'y a pas de champ de gravité, là, on serait parti quelque part dans le vide. On est juste une petite crise de planète ici, là. Toute l'action se passe ici, puis nous autres, ils ont été nous crisser ici. Pour qu'on ait l'impression d'être réellement tout seul. On l'a. Les gars, ils prennent les télescopes, Orwell, ils prennent... Tout ce qu'ils voient, c'est de la... C'est des étoiles, puis des étoiles, puis des étoiles, puis des étoiles. Il dit, vous êtes assez loin pour que vous ne soyez pas capable de nous voir tant que vous ne changerez pas de plan. C'est loin, Christ, ça. Même d'autres civilisations qui s'en viennent ici sont obligées de... parce qu'ils sont bien avancés en science, là. Sont obligés de passer complètement, sont obligés de se dématérialiser pour arriver ici, sans ça, ils arriveront jamais ici. Ni moins. Fait qu'imagine-toi si l'homme sur la Terre, il est réellement tout seul. Philosophiquement, il est tout seul, psychologiquement, il est tout seul. Puis un jour, quand il va passer l'évolution en évolution, là, il va être à deux, mais la connexion, le contact, le retour à la source, ça le met tellement en vibration qu'il a peur de perdre son esprit. Une fois qu'il est habitué, là, il est correct. Moi, je ne voudrais pas avoir de contact. M'ennuierai en crise. Putain, ils m'ont bien fait chier, tout ça, t'sais. Mais retourner, là, avant 69, là, tout seul, penser que je pense, là, puis je cherchais une job, chercher une carrière, tout ça, là. Chercher une femme, toute la patente qu'on cherche dans la vie. C'est ça, la vie. Tu cherches une femme, une job, une carrière. Voilà, à peu près ça. Le reste, un petit peu de fun le soir en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, c'est plat. La vibration tombe. Jeudi, elle commence à remonter. Si t'arrives à Noël, t'es tout seul, là, tu t'en en crise. Puis c'est toujours de même. Puis la seule chose qui nous permet de continuer, c'est parce que le temps nous fait oublier bien les affaires. Fait que perdre la conscience d'être habité par un autre plan, je voudrais jamais vivre de même. Mais tu m'aurais dit ça avant 69, j'aurais dit, on va voir quelqu'un d'autre. Fait que la séparation entre l'involution et l'évolution est très grande. Fait que quand ils disent qu'on n'est pas habitué à eux autres, on est habitué simplement à penser qu'on pense. C'est très grave. Sans ça, on ne vivra pas ça. Tous ces émois de conscience qu'on vit là, ça n'a pas de crise d'allure. On est toujours débalancé. On veut être heureux. Je ne sais pas qui a parti ça, cette crise d'affaires-là, de vouloir être heureux. C'est la plus grande connerie qui existe sur la Terre. Je voudrais jamais être heureux, moi. No fucking way. Moi, c'est plate tout le temps, demain. Vous autres, c'est de même. Il m'aime pas. Tabarnak. Moi, c'est plate comme même, c'est même pas de même, c'est de même. Brrr. Moi, je me lève le matin, tout est correct. Je me couche le soir, tout est correct. L'après-midi, tout est correct. Vous autres, le matin, vous savez pas si vous allez perdre votre job. Le soir, vous savez pas si vous allez suspecter quelqu'un que vous aimez. Sacrement, c'est toujours compliqué, votre affaire. Moi, c'est toujours plate. Ça, c'est plate pour vous autres, mais moi, je suis bien dans ma peau. Je suis bien. Mais vous autres, vivez de même. Vous n'êtes pas prêts. Puis vous allez le devenir avec le temps. Mais vous n'aimeriez pas ça tout de suite, comme ça. Pourquoi? Parce que on n'est pas habitué à vivre en paix. Je fais à tout ma joke, on veut la paix du Christ. J'ai dit, mangez la main avec ça. C'est la crise de paix qu'on a besoin. T'sais. Pas pareil. Il y a une différence entre la paix du Christ et la crise de paix. Je vais le mettre dans les livres, un jour, pour que ça reste imprimé dans l'esprit de l'homme. Les curés vont sauter. Je vais le mettre en gros bloc. C'est pas la paix du Christ que l'homme a besoin, c'est la crise de paix. Grosse différence. Regarde la vibration, c'est différent. La paix du Christ, c'est bleu. La crise de paix, c'est jaune. Pas la même vibration. Chacun couleur. Ah, Seigneur, trop bien. Question? Oui? La couleur jaune avec l'esprit. Ah, c'est pas grave, ça. Qu'est-ce que vous pensez, là? Et qui, eux autres? Eux autres, pour moi? Ah, c'est une bonne question intéressante. Les autres, pour moi, c'est quoi ça? Les autres. La raison que je dis eux autres, dans le fond, je pourrais dire lui. Parce qu'il y en a un. Chaque homme, chaque être humain a un contact. Mais la raison pour laquelle je dis eux autres, c'est parce qu'il y a toute une crise de gang en haut. C'est ainsi et plein de l'autre bord. Donc, je dis toujours eux autres. Mais je pourrais dire lui. Mais si je dis lui, il y a trop de vibrations de spécificité, là. Mon contact, mon guide, mon ajusteur de pensée. J'ai tellement peu d'amour pour cette crise de gang-là que je dis eux autres. Eux autres. C'est ça que je dis eux autres. Mais si vous voulez que je dise lui, il m'a dit lui. Comprenez-vous? C'est pas important pour moi. Bien sûr. C'est l'habitude que j'ai pris depuis 25 ans. Je veux pas créer trop de fort. Si je dirais à lui, on dirait qui sait comment est-ce qu'il s'appelle. Le monde fait tout ça, comment est-ce qu'il s'appelle. Et peut-être qu'il reste. Quand en disant eux autres, personne ne pose la question. Ça marche? Nous autres, on a des doutes. Eux autres aussi, ils ont des doutes parce qu'ils sont pas sûrs de ce qu'ils nous font faire en expérience. Oui, mais c'est pas même ça le doute. Eux autres, c'est pas tellement qu'ils ont des doutes. C'est que dans leur monde, la science à leur niveau, c'est très, très avancé. Puis ils n'ont pas toute la science. La science, c'est pas un fait absolu acquis dans l'univers. La science, c'est en évolution, parce que l'esprit, c'est en évolution. Quand ils travaillent avec l'homme, quand ils traitent avec l'homme, pour eux autres, l'homme, c'est un univers en soi. Et leur étude de l'homme, parce que quand un humain a un guide avancé, leur science de l'homme est pas mal avancée. Quand un être humain a un guide moins avancé, leur science de l'homme, de leur protégé, si tu veux, est moins avancé. Mais sur des plans avancés du mental, il y a des guides, il y a des ajusteurs de pensée qui ont très, très... Ils ont une grande science de l'homme. Ils peuvent connaître le gars, ils peuvent connaître sur une base de 3, 4, 5, 6, 700 ans d'avance. C'est pas mal. Autrement dit, tu es capable de te dire, là, dans 300 ans, 400 ans, tu vas être à telle place, tu vas faire telle affaire, papapapapapa. Ça fait partie de la science universelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à différentes échelles de temps qu'on n'a pas, nous autres. Fait que, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? Si on regarde de leur point de vue, qu'est-ce que c'est de l'intelligence? Ils disent que l'intelligence, c'est simplement une grande capacité à différents niveaux. Là, pour l'homme, c'est une affaire, puis pour eux autres, c'est une autre affaire. Mais de l'intelligence, c'est une grande capacité de manipuler de la lumière. Un homme qui est intelligent, il manipule, il fait une bonne gestion de sa lumière. Un homme moins intelligent va faire une moins grande gestion de sa lumière. C'était de la gestion. L'homme, sur le plan matériel, il fait de la gestion de sa lumière à travers ses émotions, son mental. Eux autres, ils font de la gestion de la lumière à partir de leur capacité de rayonner vers l'homme, pénétrer sa conscience, l'amener éventuellement à pouvoir faire un contact télépathique avec lui, ainsi de suite. Souvent, les grands artistes, par exemple, vont être très, très intuitifs des plans. Mais ils n'auront pas de conscience des plans. Mais ça fait partie de l'évolution. Fait que l'intelligence, c'est de la manipulation, de la gestion de la lumière. L'homme, par contre, s'il n'est pas conscient des plans, comme il ne l'a pas été pendant l'évolution, n'a pas capable.